choses dérangeantes. Je t'amène un acte 3 toujours toxique comme la merde. Tu sais le rap de gars que certains s'acharnent à clasher. Petit message pour le micro mec et viens me tester. Ok j'ai la rime hostile, encore une fois je fais la hyène. Juste envie de calmer certains fils de chienne. Toujours un enragé du haut de mes 30 piges. Toujours un engagé, un investi non soumis tu piges. J'ai pris pour cible ceux qui veulent jouer du karcher. Armé d'un rap clandestin que tu vires pas par chapter. Le rappeur le moins reconnu des inconnus c'est moi. Mais qui entend ce son, underground c'est toi. Mon rap est toujours libre et ne subit aucun contrat. Sa valeur est mentale entre toi et moi. Si tu restes connecté, un jour tu comprendras que le hip-hop est une arme dans un état de non-droit. Le rappeur le moins reconnu des inconnus c'est moi. Mais qui entend ce son, underground c'est toi. Qui emmerde le CSA, c'est moi, tu sais ça. Avec une conscience dérangeante, acte 3. Le rappeur le moins reconnu des inconnus c'est moi. Mais qui entend ce son, underground c'est toi. Qui emmerde le CSA, c'est moi, tu sais ça. Avec une conscience dérangeante, acte 3. Il paraît que je manque de son, que je fais du rap amateur. Je suis pas en manque d'opinion, je me fous de la grandeur. Je suis pas un arriviste dans le hip-hop et son histoire. Un militant activiste entre micro et trottoir. Avant de me prendre de haut, regarde bien ton altitude. Quand je descendrai ton ego, là t'es riche, ça sera rude. J'écris pas ça pour me faire mousser, je remets les pendules à l'heure. Le rap c'est plus de 15 ans de ma vie, pas besoin de professeur. J'ai engagé ma plume pour dénoncer ce qui me dégoûte. Sans regret mais amertume pour ceux qui ont lâché en route. J'ai pas vendu ma rime au requin le plus offrant. Je lâche ou pas mes signes, pour gangsta du rap c'est franc. Je dénoncerai ma haine contre l'homme et ses actions. Les pouvoirs politiques et les moutons dans l'inaction. Pas là pour trouver des choses, mais plutôt pour dire. Je te l'avais déjà dit, je suis un virus dans ton empire. Le rappeur le moins reconnu des inconnus c'est moi. Mais qui entend ce son, underground c'est toi. Qui emmerde le CSA, c'est moi, tu sais ça. Avec une conscience dérangeante, acte 3. Le rappeur le moins reconnu des inconnus c'est moi. Mais qui entend ce son, underground c'est toi. Qui emmerde le CSA, c'est moi, tu sais ça. Avec une conscience dérangeante, acte 3. Je dis que le nouveau siècle est un siècle de fascisme. Démocratie répressive, putain de capitalisme. Je dis que la maison disque, son phénomène de banlieue. Rappeur qui suce le fisc, VIP dans les hauts lieux. Je dérange, ça m'arrange, pas de place dans leur business. J'ai voulu en rap hardcore, la pop je leur laisse. Je peux pas rester les bras croisés, le stylo dans la poche. Quand c'est toujours les mêmes qui crèvent, les mêmes qui roulent en Porsche. Je dérange et j'assume, j'emmerde et je consume. Mon temps et ma weed, je les donne à ma plume. Pas là pour la gloire, pas là pour la thune. Pas là pour dorer le blason du bitume. Je dérange et j'assume, une conscience dérangeante. Virus dans le système des structures dirigeantes. Je dérange et j'assume, une conscience dérangeante. Virus dans le système des structures dirigeantes. Le rappeur le moins reconnu des inconnus c'est moi. Mais qui entend ce son, underground c'est toi. Qui emmerde le CSA, c'est moi, tu sais ça. Avec une conscience dérangeante, acte 3. Le rappeur le moins reconnu des inconnus c'est moi. Mais qui entend ce son, underground c'est toi. Qui emmerde le CSA, c'est moi, tu sais ça. Avec une conscience dérangeante, acte 3.